Il ne reste en effet comme suspect que Ferdichenko, très estimé prince. Quoique ne possédant pas votre perspicacité, j'en suis venu à la même conclusion. Prince, je m'en vais car je sens que si je reste ici encore une minute, je tuerai Monsieur Lebedev. Enfin, il est parti. Ce Kolia est un vrai nihiliste. Je me suis donc mis à la recherche de Ferdichenko. Mais Ferdichenko s'est évanoui. Et je me vois dans l'obligation, après vous en avoir informé, de m'adresser à la police pour qu'elle retrouve, mort ou vif, M. Ferdichenko. Puis-je faire autrement, généreux prince ? Adressez-vous à la police ou à qui vous voudrez, mais laissez-moi tranquille, vous m'ennuyez à la fin. Plus encore, vous me dégoûtez avec vos soupçons et vos flatteries. Allez-vous-en immédiatement, ou je quitte votre maudite villa et je m'installe dans le premier hôtel venu. Surtout ne vous impatientez pas, prince sérénissime. Je m'en vais tout de suite. Lebedev disparut. Je me laissai tomber sur le canapé et je m'y assoupis aussitôt. Je vis un mauvais rêve, le même que la veille. Je vis Nastassia Philipovna qui s'arrêtait à quelques pas de moi. Des larmes brillaient au bout de ses longs cils. Elle me demandait pardon de je ne sais quoi et me suppliait de la suivre je ne sais où. Et comme j'hésitais à lui emboîter le pas, elle me menaça d'un doigt décharné. Je poussai un cri d'horreur et me réveillai en sueur. Je voulus aller tout de suite chez elle. Mais je me souvins des lettres qu'elle avait écrites à Aglaé Ivanovna et qui se trouvaient à présent dans ma poche. Je m'approchai de la fenêtre et je les ouvris. Si j'étais votre égale, vous pourriez vous sentir blessé de recevoir une lettre de moi. Une telle impertinence. Mais que suis-je auprès de vous ? Une ombre de femme, l'ombre d'une femme humiliée et déchue. Vous ne devez pas me considérer comme une rivale, et je ne peux pas vous faire souffrir, même si tel était mon dessein. Car au fond, je vous estime et vous admire. Et je souhaite de tout cœur que vous soyez heureux. Et que vous ne subissiez jamais ce que j'ai subi depuis des années. La lettre glissa de mes doigts. Je me penchai machinalement pour la ramasser, mais je n'en vis rien. Il me sembla tout à coup que les ténèbres descendaient sur moi et m'enveloppaient de tous côtés. Je voulus crier au secours, mais je ne pus tirer un son de ma gorge. Puis, comme se jouant de moi, les ténèbres se dissipèrent. Un rayon de soleil vint se poser à mes pieds. Je soupirai, soulagé, et tirai une deuxième lettre de Nastassia Philipovna. J'eus du mal à la déchiffrer. Je pensais déjà la mettre de côté lorsque mes yeux tombèrent sur ces lignes. Aglaé Ivanovna, je m'aperçois que je vous unis au prince Mishkin, alors que je ne vous ai pas encore demandé une seule fois si vous désiriez l'épouser. Lui, il vous a aimé dès qu'il vous a vu. Peut-être vous a-t-il aimé avant même de vous rencontrer. Il a parlé de vous comme de sa lumière. Mais je le savais déjà. J'ai passé un mois près de lui. Et j'ai compris que vous étiez fait l'un pour l'autre. Et je vous enveloppe tous les deux dans le même amour, sans tâche et dépourvu de tout calcul. Vous êtes pour moi ce que vous êtes pour lui. Un esprit lumineux. Et un esprit n'aime ni ne déteste, il tolère. Et nous devons, le prince et moi, nous contenter de cette tolérance. Je m'égare, Aglaé Ivanovna, pardonnez-moi. Vous n'êtes pas un esprit qui plane au-dessus de nous, mortels. Au contraire, vous êtes capable d'aimer. Et non pour vous, mais pour celui que vous avez choisi. Je tremble d'apprendre qu'à cause de moi, vous pourriez ressentir de la colère ou de la honte. Et du même coup, devenir comme moi. La tête me tournait. J'étouffais dans cette chambre qui me semblait curieusement resserrée. Je me précipitai dehors et je me mis à marcher devant moi. Et comme hier, ma marche désordonnée me conduisit dans le parc, vers ce banc fatal. Oh, c'est une démente, me répétais-je. Mais elle souffre, comment lui venir en aide? Et à la lumière vacillante d'une lampe, je commençais à parcourir des yeux sa dernière lettre. Pour l'amour de Dieu, ne vous imaginez rien sur mon compte. Ne croyez pas que je sois de celles qui trouvent un plaisir morbide à s'humilier, ne serait-ce que par orgueil. Non, je ne pourrais pas m'abaisser, même dans un accès de fierté démoniaque. Quant à m'humilier par pureté de cœur, je n'en suis pas capable. Il en résulte que je ne m'humilie jamais. Pourquoi je désire tant vous voir unis, vous et le prince Michkine? Pour vous ou pour moi? Je vois en l'esprit votre sourire tout empreint d'indulgence. Vous souhaitez que je dise que c'est pour vous. Eh bien, je ne le dirai pas. Je veux vous voir unis pour moi, Aglaé Ivanovna. J'ai ouï dire que votre sœur Adélaïde, ayant vu mon portrait, avait prétendu qu'une beauté comme la mienne était capable de bouleverser le monde. Mais j'ai renoncé au monde. Vous devez trouver ridicule cette affirmation. Et cependant, je n'existe presque plus. Et je m'en rends compte. C'est quelqu'un d'autre qui habite en moi. Je l'aperçois parfois dans deux yeux terribles qui me regardent sans cesse, même lorsque je ne les ai pas devant moi. Ces yeux n'expriment rien à présent, mais je connais leur secret. Je suis certaine que le possesseur de ces yeux garde dans son tiroir un rasoir, enveloppé dans de la soie, comme cet autre assassin d'Ouchkine. Un jour, il m'égorgera. Pour l'instant, son amour pour moi l'emporte sur la haine qu'il me voue. Mais votre mariage avec le prince sera célébré bientôt et j'espère qu'il ne m'assassinera pas avant. D'ailleurs, notre mariage aura lieu en même temps que le vôtre. Nous l'avons décidé ainsi. Parfois, je rêve que je prends son rasoir et que pendant son sommeil, je lui coupe la gorge. Et tout est dit. Le cauchemar se dissipe. Et je me retrouve telle que j'étais il y a quelques années. Une jeune fille pure et généreuse, et prise d'absolu. Il est là, derrière mon dos. Rogojin, mon futur assassin. Il est derrière mon dos et il lit ce que je vous écris. Et il ricane. Il dit que je divague. Il se peut que ce soit vrai. Je chiffonnai la dernière lettre de Nastassia Philipovna et la remis dans ma poche. Elle est folle, me dis-je pour la centième fois. Puis tout à coup, sans savoir pourquoi ni comment, ma pensée se détacha d'elle. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Jean-Jacques Delbault, Lebedev, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, et Sylvia Monfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.